Bouquet de lieder, choix de ballades, chansons et légendes, traduites des poètes de l'Allemagne contemporaine par Paul Delacour. Avant-propos. Monsieur Guillaume de Schlegel a publié autrefois des bouquets de fleurs tirés des poésies italiennes, espagnoles et portugaises, en les faisant précéder d'une dédicace aux poètes allemands qui montre qu'il savait admirer la littérature des peuples du Midi autant que celle des races du Nord. Mais le poète Immermann lui répondit « Tu as déchiré ta robe allemande en Espagne et en Italie. Nous souhaitons pour notre part ne point mériter le reproche d'avoir déchiré notre robe française, qui est aussi une robe prétexte, en cueillant un seul bouquet dans le jardin de l'Allemagne, notre voisine. Notre recueil contient 73 pièces de 35 poètes, dont les sujets sont passablement variés. Nous les avons rangées presque toutes d'après la date de la naissance de leurs auteurs. Le hasard est souvent un maître fort habile en fait d'ordonnances neuves et piquantes. La série commence par Ehrenfried Stoeber, à qui la France a donné le jour. Elle se continue par Oehlenschläger, que le Danemark et l'Allemagne revendiquent à la fois, et Chamisso, qui est d'origine française. Le sexe féminin est représenté par un nom, Mademoiselle de Klenk, veuve de notre orientaliste de Chézy. Puis apparaissent les coryphées de l'école dite Swab, Kerner, Uhland, etc. Les dédains de certains critiques ne nous ont pas fait renoncer à donner une place même à une tête couronnée. L'école autrichienne nous fournit Lönau, Grün, Zedlitz, Beck, Meissner, etc. L'école patriotique et guerrière, Theodor Körner, Arndt, etc. L'école prussienne et libérale, Heine, Freiligrath, etc. L'école philosophique, Monsieur de Salais, un Égélien. Des odelettes comiques, Bachik repose l'attention arrêtée par des poèmes plus sérieux ou plus enveloppés. Il y a deux manières de faire connaître à ses compatriotes les beautés de la littérature étrangère, l'analyse, le commentaire et la lecture ou la traduction. Jusqu'ici, la première nous paraît avoir été plus suivie que la seconde. Il suffit, pour s'en apercevoir, de lire les quelques notes de notre livre. Mais un amateur sérieux désire juger par lui-même. Une bonne traduction l'aidera sous ce rapport. Sans donner la nôtre pour telle, nous dirons que nous avons traduit vers par vers, toujours, nombre de syllabes par nombre de syllabes, souvent. Nous avons ainsi été amenés à des genres de strophes et de vers peu communs, à des étrangetés même, que nous prions la critique de vouloir nous pardonner. Nous avons péché par excès de respect. C'est-à-dire peut-être par trahison. Hohenbourg, ou Sainte-Odile, montagne à 6 lieues de Strasbourg, célèbre par son abbaye que fonda Sainte-Odile, fille d'Attich, seigneur de Hohenbourg. Le chêne s'agite et les cimes des Vosges élèvent au ciel leurs rochers et leurs bauges. Leur tête brille au clair de lune amie. L'esprit du vieux monde organise ses fêtes, plus d'un spectre court sur le sommet des crêtes, le mal du ciel au cœur s'est endormi. Mont de Hohenbourg, salut à ta nature, couché sous tes pins à la sombre verdure, je vois s'enfuir les brumeuses clartés. Laisse-moi filer la trame la plus douce, l'œil rêveur perdu dans tes couverts de mousse. Que d'astres d'or fleurissent tes côtés. Le chêne s'agite, et soudain, aux nuages, quels ardents rayons se cherchent un passage? Un fils du ciel erre-t-il dans les airs? Mon regard mortel, penché sur la colline, craint de saluer une forme divine. Qui donc es-tu, vierge aux tendres éclairs? Je suis Sainte-Odile, a dit la voix céleste, comme un son de harpe éclatante et modeste. Elle descend d'un air tout gracieux, les vapeurs de rose embaument sur sa trace. Elle vient sourire autour de chaque place et la bénit de ses doigts merveilleux. Ô monde alentour, témoin de mon enfance, je vous dis salut dans mon pieux silence. La mort ne rompt les liens de l'amour, ces étoiles d'or par les saints éclairées, que j'aime aller fuir pour vos douces contrées. Salut encore, ô fortuné séjour. Je te garderai comme une bonne mère, la reine du ciel à qui je reste chère m'a confié le soin de ton bonheur. Mais glorifié, pèlerin de ce monde, le Dieu qui commande à la terre féconde, glorifié l'invisible Seigneur. Saint, saint le Seigneur, répète en mainte salle l'écho résonnant de la tour monacale. Nonnes en chœur avancent à pas lents, brillant chevalier, le duc Attiche en tête, en home, en haubert apprêté pour la fête, viennent monter leur bec caracolant. Au creux des rochers se coulent des fantômes qui célèbrent tous le roi de tout royaume. Le chêne tremble et le sapin bruit. Saint Odile étend et lève la main droite, et déjà s'enfuit des nuits la plus benoîte, le saint cortège est perdu dans la nuit. Le matin paraît, le soleil, quelle envie, apporte à la terre une nouvelle vie. Le poète seul se retrouve orphelin, car de la patrie il nourrit sa mémoire, il n'aspire plus qu'à l'éternelle gloire, dans la patrie est comblé son destin. Ehrenfried Stoeber. Sur le Simplon, en revenant d'Italie, Oehlenschläger raccourcissait son voyage par des chants qui le rapprochaient de son pays, le Danemark. Parmi les pièces fugitives que lui dictaient les émotions du retour, on cite ces stances comme devant rester dans la mémoire. Le Fèvre de Mier. Enfin, les voilà, ces géants olympiques aux crêpes de brouillard. J'arrive aux confins des plaines lombardiques et monte leur rempart. Le Simplon, héros qui me regarde en face, m'appelle sans répit. J'ai hâte de voir sa crinière de glace, son cimier de granit. Pourquoi de mon cœur gonfle-t-il ma poitrine et levais-je le col? J'entends bien les cris de l'aigle qui domine, mais plus le rossignol. Où le laurier rose et les myrtes fidèles, mon chemin se raidit. Où les frais berceaux chéris des tourterelles, le torrent m'assourdit. Je suis gai pourtant, de l'ennui qui m'assiège, je vais me racheter. Des muses, le cœur en habit blanc de neige, me convie à chanter. Qu'est-ce? Je ne sais. Mais au pays des roses, mon cœur était souffrant, et j'appréhendais les plus douces des choses que me contait le vent. En vain chatoyait l'œil doré des étoiles, le ciel me semblait mort. Du lointain, j'aimais à soulever les voiles et jalousais le sort. Alors d'Apollon la céleste milice t'exclura de son sein, alors du grand art le pieux exercice trompera ton dessein. Quelle est ton erreur? Il règne dans mon île un dieu pour ton esprit, non adolescent, mais figure virile dont la barbe fleurit. C'est lui qui m'apprit à chanter sur la harpe les fées de mes aïeux. C'est lui qui m'apprit à célébrer l'écharpe des guerriers de mi-dieu. Tel qu'au Sinaï, sous l'éclat du tonnerre, retentit Jéhovah, ainsi parle-t-il, la cithare légère aussi me captiva. Mais beau dieu des Grecs, tu vis le pur délice de l'humble pèlerin. Tu le vis au temple entrer sous ton hospice, l'extase dans le sein. Tu lui révélas les secrets de ta grâce à son plus grand profit. Le lait et le miel des coteaux du Parnasse ont formé son esprit. Et vous, prismes d'or, couleurs enchanteresses, vous, ombres, vous, rayons, le remplîtes-vous de moins de douces ivresses que ses illusions? Je vous ai quitté, non sans verser des larmes, je vous appelle mien. Pouvais-je pourtant n'admirer que les charmes de vos débris païens? Je n'éprouve point cette chaleur pédante pour l'œuvre de la mort. Je ne puis baiser chaque ligne de Dante et condamner le Nord. Mépriser les vœux des époques tardives, railler l'humanité, ne trouver enfin les grandes perspectives que dans la volupté. Ce soleil sensuel me brûlait la figure, le ciel était bien bleu. Mais je regrettais la plaine de verdure que respecte le feu. Je me sens léger. Adieu, chanson perfide, j'abonde de plaisir. Adieu de cestus, lugubre pyramide, je comble mes désirs. Oehlenschläger. Le château de Boncourt. Je me prends à rêver aux jours de mon enfance et marche, secouant ma tête à cheveux gris. Que me revoulez-vous, doux tableau d'innocence que je croyais flétri? Du milieu des taillis d'un gazonneux enclos, un château flamboyant se découvre à ma vue. Voici les fiers donjons, voici les vieux créneaux, la poterne connue. Les lions de l'écu dépourvus d'espérance me regardent d'un œil où brille leur amour. Je salue aussitôt ces vieilles connaissances et passe dans la cour. Là repose le sphinx au bord de la fontaine. Là commence à verdir la branche du figuier. Là, derrière l'appui d'une fenêtre vaine, j'eus mon rêve premier. J'entre dans la chapelle en essayant ma route. Dans cet être vénéré, je cherche les tombeaux. C'est ici que pendent à la voûte les antiques faisceaux. Mes yeux, demi-voilés de maintes inscriptions, ne déchiffrent pas bien le sombre caractère. Et cependant, l'aurore au front des seins de verre envoie un doux rayon. Ainsi me restes-tu, château de mes aïeux, imprimé pour toujours au fond de ma pensée. Et pourtant tu n'es plus, et sur ton sein poudreux la charrue est passée. Sois fertile du moins sol pour moi le plus beau, je te bénis du fond d'une âme bien émue, et je bénis deux fois qui, sur ton étendue, promène le râteau. Quant à moi, dans mon cœur, je veux me recueillir. Je veux prendre mon luth d'une main enivrée, courir au bout du monde et chanter à plaisir de contrée en contrée. Chamisso. Le château de Boncourt est, selon moi, le chef-d'œuvre de Chamisso. Il fallait, pour le faire, l'amour ardent des hommes de notre temps dans un cœur qui battait encore aux souvenirs d'autrefois. Ampère. Tannhäuser. Un sourd frémissement agite la vallée. Le Tannhäuser chevauche au plus profond des bois. Le vent du nord se lève et sur l'onde ébranlée du torrent écumeux fait retentir la voix. Oh, que ne suis-je loin, au pays de lumière, dans la verte campagne en robe de couleur, où rit du triolet la fleurette légère, où la source chuchote un hélas de bonheur. Et voici qu'au rocher une porte étincelle, et qu'au dehors s'avance aimable demoiselle, riche comme une étoile en ses habits d'argent, et fait signe du doigt d'approcher plus avant. Bienvenue, Tannhäuser, valeureux gentilhomme. Viens, viens, et suis mes pas au château du rocher. La reine de ces lieux pour te servir me nomme. Au pays du soleil, viens avec moi marcher. Laisse, laisse bien loin le nord et ses tempêtes. Entre dès à présent au séjour des plaisirs, où l'amour te sourit, où s'allument les fêtes, où ton cœur satisfait tous ses moindres désirs. Tannhäuser est ravi par de si doux accents. Un soupir inquiet s'exhale de son âme. Il contemple ses yeux aux éclairs caressants, laisse boire sa vie à leurs rayons de flamme. Déjà dans le rocher, il poursuit son chemin. Là bruit un ruisseau du milieu des violettes et chante aux voyageurs un bien triste refrain. Arrière, arrière, toi, prends garde aux bergerettes. Tannhäuser reste sourd au généreux murmure. À d'effrénés désirs, tout son cœur est en jeu. À la faveur d'un jour qu'ignore la nature, il quiète d'âme Vénus en son cercle de feu. Vénus, pour compliment, lui tend sa lèvre rose. Sa lèvre rose rit à toute heure du jour. Il entrait les parfums en longs baisers d'amour, mais la soif en son sein jamais ne se repose. Mainte lune décroît, main soleil fait son tour. Du brillant Tannhäuser il n'est plus souvenance. Il oublie en sa grotte et César et sa cour. D'une mère ou d'amis, il n'a plus connaissance. Soudain vient rayonner sur un repos coupable de la grâce céleste un lumineux éclair. Pareil au prisonnier privé de jour et d'air qui s'éveille la nuit d'un rêve délectable. Il reprend ses esprits, regarde autour de lui, il ne retrouve plus ni clarté ni délice. Malheur, dit-il alors, qu'as-tu fait aujourd'hui? Ton honneur est flétri, fuis, fuis l'antre des vices. Dame Vénus lui tend sa lèvre vaporeuse. Ma lèvre rose rit à toute heure du jour. Mon œil est aussi vif que l'étoile amoureuse. quel dessein caches-tu? Veux-tu fuir ce séjour? Oh, laisse-moi! Ton œil brille ainsi qu'une étoile, mais c'est l'enfer de loin qui perce en ses lueurs. Oh, laisse-moi, ta lèvre est rose et rit sans voile, la flamme est rose aussi, l'aspic a des couleurs. Laisse-moi, près de toi ma vie est en danger, j'ai soif de pénitence et de divine aumône. Ô Marie, aide-moi des hauteurs de ton trône, pour l'amour de ton fils, tire-moi de l'enfer. Dame Vénus le laisse, il redevient un homme, et prend en pèlerin chemin qui mène à Rome. Saint-Père incline donc un regard de douceur, et du pécheur contrit pardonne la noirceur. Helmina de Chézy. Madame Helmina de Chézy, la petite fille de Louise Karch ou Karchin, cette fermière qui excita par ses vers la surprise des littérateurs contemporains, a dignement continué la filiation par ses poésies, ses romans et le poème d'Oriente, dont Weber a fait la musique. Madame Tastu.